Chercheur, que faites-vous et chercheuse, où êtes-vous? Retrouvons-nous sur la série d'émissions du Voyage intérieur présentée par Message de vie. En France, l'idée dominante est que l'école est un lieu de réussite intellectuelle et très secondairement un lieu d'apprentissage de la vie. Comme en économie, l'idée de rendement l'emporte lourdement sur l'idée de développement. Imaginez un instant, un seul instant, d'instaurer au programme scolaire la connaissance de soi et la relation à autrui, l'auto-responsabilité, les capacités d'empathie, d'esprit critique et d'autocritique, d'humour, de dialogue, de coopération, l'affirmation de soi sans domination ni soumission, le sens de co-responsabilité propre à l'esprit démocratique. Antonella Verdiani, notre invitée aujourd'hui dans Message de vie, est à l'initiative de l'Alliance Printemps de l'Éducation, projet réunissant des associations, institutions et individus qui militent pour un changement de l'éducation et de l'école centré sur le bien-être, l'épanouissement des enfants et des enseignants. Elle devient aujourd'hui dans notre émission notre message à la joie. Peut-on réapprendre à devenir plus joyeux et plus aimant? Avons-nous les capacités à nous rééduquer à la gaieté? C'est à vous de jouer. Si, si, bien sûr qu'on peut se rééduquer. Si, c'est une audita. Tu le dis en riant, mais bien sûr qu'on peut se rééduquer. D'abord, ce que je donne des formations qui s'appellent Éduquer à la joie. Et à chaque fois, la première chose que je dis, c'est d'abord, on ne peut pas. La bonne nouvelle, c'est que le titre serait sexy et très sympa, mais on ne peut pas éduquer à la joie. On peut éduquer à... On peut se rééduquer, surtout si on est des adultes, à retrouver la joie qu'on a déjà en nous. Parce que quand on est, on a ce capital qui nous est donné à tous et qui est la joie de vivre. Et les enfants ont ça. Alors, par contre, dans les écoles et dans tout contexte éducatif, qui est aussi la famille, on peut éduquer à que cette joie ne se perde pas chez les enfants. Donc c'est ça, éduquer à la joie. Comment garder notre joie ou comment la reprendre? Notre joie à nous. Comment la reprendre? Alors, une chose que je dis souvent à des enseignants, c'est d'accepter aussi de travailler sur soi. On ne peut pas faire l'économie d'un travail sur soi, un travail de tout type, de toute façon un travail qui va chercher d'abord des traces aussi de cette violence éducative ordinaire qu'on a mentionnée tout à l'heure. Nous l'avons tous vécu, c'est-à-dire nous avons été victimes de gifles, de fessées, de punitions diverses et variées, d'agressions verbales, et nous sommes aussi de façon inconsciente ceux qui la répètent et qui continuent à utiliser cette violence éducative de façon banale et normale. Donc il faut, à mon avis, faire un travail de réparation, de nettoyage, d'aller voir ce qui se passe. Et c'est un travail de développement personnel. L'éducation nationale a un peu peur d'utiliser ce mot. Je pense qu'il faut avoir le courage de dire, comme le font déjà des écoles, comme celle de Caroline Sost qui s'appelle Living School, de faire à des enseignants un travail sur soi pour comprendre aussi l'enfant, parce que l'enfant est un miroir. Ben, l'autre est un miroir, et les enfants sont très très forts hein, pour nous renvoyer des problématiques qui sont les nôtres. Restons en lien. www.richardfederman.com. De fermer les yeux et de être confortable sur votre siège et de revenir avec votre mémoire, un souvenir d'école. Donc, les souvenirs d'école malheureux. Oui. C'est intéressant, hein? Est-ce que... On va commencer par les souvenirs heureux. Vous voulez bien partager Est-ce que vous voulez bien partager d'abord avec votre voisin ou voisine et puis avec moi ? On parle des blessures de l'enfance par rapport à l'éducation de la joie, parce qu'on revient à cette école, et cette école de la joie qui est quand même reliée aux enfants, parce que tu me dis que tu ne fais pas d'école, mais non. Tu fais des, t'es enseignante. La mienne ? Non, je ne suis pas enseignante, je suis formatrice, hein, qui est différent. La mienne n'est pas une pédagogie. Moi, ce que je propose, c'est une approche. Je propose une réflexion sur vraiment la mission de l'éducation. C'est de revenir à l'étymologie même. J'aime beaucoup l'étymologie parce qu'elle nous donne du sens. L'étymologie de l'éducation, c'est à la fois nourrir et c'est aussi aller tirer hors d'eux. Vraiment tirer le meilleur de chacun. C'est vraiment un processus maïotique de naissance qui est là. Alors, si on peut tirer et mettre en lumière la joie, c'est vraiment là la mission. Le bien-être, la joie et ce trésor, les potentiels de chaque enfant. Les enfants ont un potentiel. Encore une fois, je nomme cette école que j'aime beaucoup, c'est Living School, où la pédagogie est basée sur la notion du trésor. Chaque enfant a un trésor et c'est son potentiel. Donc si déjà on s'appuie sur quelque chose de positif qu'on a, mais tu t'imagines, au lieu de partir du manque, des erreurs et des fautes, là on part de ce qui est déjà là, ce qui est un potentiel, ce qui nous enrichit, ce qu'on peut partager avec les autres. Ça change complètement. Donc chacun a une beauté, une richesse qu'il peut partager avec les autres. Et ça, ça donne de la joie. C'est une approche. Et en fait, quand j'étais en CP, je pense, je bougeais tout le temps. Je passais d'un pied à un autre, je posais un pied, l'autre, etc. Et la maîtresse en avait marre. Et elle m'a demandé d'aller dans la classe d'à côté, supérieure, de demander à la maîtresse une corde et du scotch. Elle m'a fait... Alors déjà, il fallait le demander devant tout le monde. Pourquoi faire ? Pour m'attacher. Et je suis allée dans une autre dans ma classe et on m'a attachée, on m'a mis du scotch sur la bouche. Pas mal. Est-ce qu'on pourrait définir ça comme un épisode de violence ? Je pense. Quelque chose pour nous remonter un peu le moral ? Un souvenir heureux, s'il vous plaît ? Oui ? C'est de la violence aussi, mais rigolote, parce que chez moi, ça résonne. Non, mais de la violence sympa, vous allez voir. J'étais, je crois, 6e, 5e, quelque chose comme ça. Et j'avais un prof de maths, quand je faisais le clown, il me lançait sa brosse pleine de craie. Mais il rigolait en le faisant. Mm-hmm. Du coup, tout le monde rigolait. Et j'ai gardé cette odeur, l'odeur de la craie, sur ma chemise, quand il me lançait la brosse dessus, quand je faisais l'imbécile, pendant les cours. Donc pour vous, c'était lié à quoi ? C'était quoi ? Qu'est-ce que vous avez, si vous voulez mettre une qualité sur ça ? Eh bien, c'était de la joie, finalement, parce que tout le monde rigolait. Donc, craie égale joie. Craie égale joie. Donc maintenant, je mange de la craie quand je suis malheureux. Encore un autre souvenir ? Alors moi, c'est flou et en même temps, c'est global ce que j'ai comme souvenir. C'est quelque chose qui me ramène au CP, où j'avais une maîtresse distinguée, fine, élégante, je crois, à me souvenir, mais qui m'a mise en confiance. C'est-à-dire qu'elle m'a donné l'envie d'apprendre, même si tous mes souvenirs sont flous. Je sais que j'ai été en confiance dans cette première année de CP et que les années qui ont suivi, j'ai eu des maîtresses un peu plus sévères, un peu plus rigoureuses, et j'ai eu le sentiment que c'était de plus en plus sévère et rigoureux, mais que cette première année... C'est quelque chose qui m'a vraiment mis en confiance et qui m'a donné envie d'apprendre. Et c'est un petit peu ce qui m'habite encore aujourd'hui aussi, c'est qu'en apprenant, il y a cette confiance qui est là, comme si ça avait été un pilier. Les passages au micro-trottoir. Retrouvez-nous sur le www.richardfederman.com. Je m'appelle Claire Hébert Suffrin. Je suis avec mon mari Marc, initiatrice des réseaux d'échanges réciproques de savoir, démarche pédagogique qui est née il y a maintenant 43 ans à Orly, dans la banlieue parisienne. Je vais un petit peu dire pourquoi et comment ces réseaux sont nés d'une volonté d'ouverture de l'école. Et il me semble que c'est une nécessité d'ouvrir l'école, mais je préciserai aussi comment. Donc j'étais enseignante à Orly, enseignante en primaire, et je suis arrivée jeune enseignante dans cette école, n'ayant pas fait de formation à ce métier-là. Et j'ai quand même quelques idées préalables. La première idée préalable qui était liée à ma propre sensibilité, à ce que j'avais vu autour de moi quand j'étais moi-même élève, c'est qu'il arrive quand même trop souvent que l'école soit un lieu d'humiliation. Humiliation qui vient des autres élèves. Humiliation qui peut venir de l'institution à travers les enseignants. Et je me suis dit en arrivant que je ferai tout ce qui est dans mon possible pour que jamais, jamais aucun de mes élèves non seulement ne vive de l'humiliation en raison de la classe que je pilotais ou en raison de moi, ma personnalité ou en raison de leurs camarades, mais même que l'école, ça devait être le contraire, ça devait être un lieu dans lequel on construit de l'estime de soi, on construit de l'estime réciproque, on construit de l'estime pour sa propre famille, on construit de l'estime pour son réseau familial et social, on construit de l'estime de la société et pour la société dans laquelle on est. L'autre chose qui me semblait, à moi, petite institutrice débutante sans formation, qui me semblait importante, qui me semblait même un peu sommaire comme idée préalable. Plus de 40 ans après, je trouve que c'était pas si sommaire que ça. C'est, il faut que les enfants aiment être à l'école. S'ils aiment être à l'école, ils aimeront venir à l'école. S'ils aiment venir à l'école, ils aimeront être à l'école et ils aimeront apprendre. Et s'ils aiment apprendre, eh bien, ils auront beaucoup plus de chances d'apprendre. Mon rôle était, étant bien, de faire que tous les enfants, absolument tous, sans aucune exception, réussissent leurs apprentissages et réussissent leur construction d'eux-mêmes. Donc ça m'a beaucoup aidé dans mes débuts d'enseignante. J'ai fait après de la formation à la fois dans le cadre de l'éducation nationale et dans l'université, mais ça a été mon démarrage. Et ce démarrage-là, il a, en fait, dès lors qu'on veut s'appuyer sur ce que les enfants savent déjà, on ne peut pas enseigner à des enfants, ni à des adultes d'ailleurs, sans s'appuyer sur ce qu'ils savent déjà. Donc, sans les aider à prendre conscience qu'ils savent déjà beaucoup plus de choses qu'ils ne le croient et que la société ne le sait, on ne peut pas non plus leur permettre d'apprendre sans s'appuyer sur leur curiosité, leur désir d'apprendre, ce qui les intéresse. Ça ne veut pas dire les laisser seulement dans ce qui les intéresse, mais ça veut dire s'appuyer dessus pour leur permettre de construire le chemin d'une ouverture de leur intérêt. Et donc, partant de cette idée-là, je ne pouvais pas ne pas m'appuyer sur tout ce qu'ils avaient appris, y compris en dehors de l'école. Et je ne pouvais pas faire autrement que m'appuyer sur tout leur environnement comme étant un lieu d'apprentissage, comme étant, tout ce qui génère les énigmes, les questions qui vont leur permettre d'apprendre. Pour apprendre, il faut se poser des questions. L'école est trop souvent, comme le dit, je crois, Philippe Mérieux, est trop souvent un lieu où on leur répond à des questions qui ne sont pas posées. Si on ne les aide pas à avoir envie de comprendre, y compris comment fonctionne l'accord du participe passé, ils vont entendre les réponses qu'ils ne fixeront pas. Mais si la question, parce qu'on a construit une situation pédagogique qui déclenche l'énigme, qui fait se poser la question, et à ce moment-là, la réponse, ils l'entendent, ils peuvent se l'approprier, ils peuvent apprendre. Et donc, j'ai en fait très très vite ouvert l'école. Ouvert l'école comme lieu, par exemple, on travaillait sur le racisme. Je vais donner deux, trois exemples. On travaillait sur le racisme, parce que c'est une question qui se posait déjà, qui s'est toujours posée dans l'histoire de l'humanité, malheureusement. On travaillait cette fois-ci sur le racisme avec la présence dans la classe pendant une semaine de la deuxième chaîne de télévision qui a fait un reportage sur ce qui s'est passé dans cette classe. Et entre autres, on est allé avec un groupe d'enfants le jeudi, qui était un jour de congé, rencontrer des travailleurs immigrés qui étaient logés dans un foyer de travailleurs immigrés. Et j'étais, moi, deux choses qui m'ont marquée cette fois-là. J'ai été impressionnée par la pertinence des questions de ces enfants qui avaient 10 ans. Je crois qu'on sous-estime souvent les enfants. On sous-estime leur intelligence, on sous-estime leur envie de savoir, on sous-estime ce qui peut se passer dans la rencontre avec d'autres qu'eux-mêmes, si on a construit la situation pour qu'elle soit génératrice de questions. Ils ont posé des questions d'une finesse, d'une intelligence, d'une humanité qui, moi, m'a beaucoup... j'ai revu le film que j'ai demandé à Lina il n'y a pas longtemps, j'étais impressionnée, encore 40 ans après j'étais impressionnée par les questions des enfants, par leur envie de comprendre. Et puis la deuxième chose que ça m'a appris, ça m'a permis encore de comprendre encore mieux, c'est quand on est rentré en classe, il y a eu un débat entre les enfants, et il y avait deux groupes dans la classe. Il y avait un groupe d'enfants qui disaient « mais c'est drôlement bien, c'est pas cher ». Et puis l'autre groupe d'enfants qui disait « non, c'est pas très bien, ils sont à 8 par chambre avec simplement un lit en fer superposé et une armoire, et c'est très cher ». Et le débat était sur « c'est cher ou c'est pas cher ». Et ces enfants-là ont fait à ce moment-là des mathématiques, et ont compris, en le faisant, à quoi servent les mathématiques. Ils ont compris. Alors, il y avait, je crois que c'était 39 francs, je ne sais plus, je crois que c'était à peu près ça, 39 francs par personne et par semaine. Et donc, c'est pas cher quand même. Ah, mais attends, c'est par personne et par semaine, disait l'autre. Donc, si c'est par semaine, il faut faire fois 4. Et puis si c'est par personne, ils sont 8 par chambre, donc il faut faire x4 x 8. Et donc les voilà en train de faire le calcul. Et tout d'un coup de s'apercevoir que c'est beaucoup plus cher que l'appartement qu'ils paient de 5 pièces qu'ils paient avec leurs parents, enfin que leurs parents paient. Et c'était impressionnant, quoi. Ces enfants voyaient le lien entre les apprentissages scolaires et la vie. Et c'était à ça que servait cette ouverture de l'école. Message de vie. Faites vos commentaires sur le www.richardfederman.com. Pourquoi on ne prône pas justement la joie? La joie n'est pas mise dans les cahiers d'école comme une instruction obligatoire pour notre évolution. On ne peut pas obliger les gens. Parce que d'abord, je crois qu'il faudrait vraiment faire une démarche d'une véritable réflexion de fond avec nos éducateurs. Et donc vraiment discuter sur la vision éducative, au fond. Et par exemple, là, toute la question qui a ébranlé la France et que ça continue, la question des rythmes scolaires, il faudrait quand même la repenser en remettant vraiment au centre de la réflexion le véritable sujet qui est l'enfant, c'est-à-dire l'intéressé, le direct intéressé, c'est l'enfant et qui subit des rythmes scolaires qui ne sont pas totalement dans le respect de son propre rythme à lui, hein. Donc j'ai perdu le fil de la question là, mais comment on ne peut pas enseigner la joie dans les livres de texte, tout simplement c'est que si on fait tout ce travail, comment dire, de nettoyage, d'aller voir d'abord, d'être capable de voir, de déceler ce trésor chez les enfants, ça veut dire qu'on est capable de le voir en nous. Donc ça veut dire qu'on est un lien. Alors cette femme, elle a à un moment donné fait des études d'anthropologie, elle a rencontré un chercheur africain, et cette personne l'a introduite à une pratique traditionnelle orale africaine qui s'appelle l'auto-louange. Et alors, ce que je vous propose, là, c'est de faire une petite auto-louange. Et vous allez voir, pour reconnaître la joie, la beauté, la noblesse, ce potentiel de vie qui existe en chacun de nous, il faut être bienveillant. Il faut d'abord connaître, se reconnaître dans cette joie, dans cette lumière. Et alors, comment on fait si on arrive à l'école et que dès qu'on met les pieds dans l'école, on commence à vous dire que vous êtes tous pareils, que tout le monde va faire tous la même chose, tout le monde va faire la même chose, au même rythme, tout le monde va suivre le même rythme. Et si vous ne comprenez pas, ce n'est pas très rare, ça continue encore, que des enseignants continuent à enseigner pour respecter le programme en laissant de côté la majorité de la classe. Ils enseignent pour le 4-5 premiers. Il y a toute une perversion de l'évaluation et de la notation et ce besoin d'être là à juger tout le temps. L'auto-louange, elle est là pour caresser la partie lumineuse de chacun de nous. Je pense à une mère qui disait « Ma seule vie, ma seule joie, c'est mes enfants. » Mais je n'avais pas l'impression qu'elle était dans la joie autrement qu'à part ses enfants. Comment les parents peuvent prendre conscience, s'ils sont déjà joyeux, le fait de mettre des enfants au monde ? Je suis d'accord avec Antonella Verdiani. C'est une force de vie, la joie. Hein, la joie, c'est une force de vie. Si tu veux, considérer qu'elle fait partie de notre nature, ce n'est pas quelque chose qui a fondé la réflexion éducative. Du moins, la réflexion éducative des philosophes de l'éducation auxquels on se réfère dans l'éducation, on va dire, officielle. Il y a des personnes, par contre, comme Montessori, qui ont quand même remarqué que lorsque l'enfant est dans le plaisir et dans la joie d'apprendre, elle disait la joie elle est autant indispensable à l'apprentissage et à l'éducation que le souffle, que la respiration au coureur, hein. Et donc elle s'en était déjà aperçue il y a plus d'un siècle. Donc cette réflexion là il faudrait qu'elle fonde aussi les programmes d'aujourd'hui et aussi la réflexion des parents, c'est-à-dire je suis d'accord avec toi, un enfant qui naît, ça amène de la joie dans la famille. Mais dès que tu mets cet enfant à l'école, petit à petit, cette joie, elle se perd petit à petit. L'enfant, surtout dans l'enfant. Le parent, il peut, s'il est bien, s'il est assez centré, s'il est bien dans sa vie, s'il est heureux, c'est à lui aussi d'amener l'enfant dans cette vision du monde qui n'est pas que souffrance, voilà. Comment t'es arrivé à vouloir aujourd'hui enseigner? Tu sors d'une grande institution? Oui, je suis sortie d'une grande institution, oui, parce que j'avais un peu perdu le contact avec ma propre joie à moi et surtout avec les gens, avec le terrain. Ce que aujourd'hui comment je suis arrivée à ça? Je suis arrivée parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi, évidemment, y compris un travail de recherche, on va dire, existentielle, si on ne veut pas utiliser les mots spirituels. Il y a des endroits qui favorisent, pour moi, qui ont favorisé aussi ce travail, mais... c'est en m'écoutant, si tu veux, que j'ai pu aussi retrouver quelle était ma raison d'être sur cette terre. Enfin, il y en a plusieurs, peut-être plusieurs, mais disons, aujourd'hui, ma passion, c'est l'éducation. C'est bien sûr une éducation qui me permet aussi de m'éduquer moi-même. C'est-à-dire, à chaque fois que je suis en contact avec des éducateurs, des enseignants, des personnes qui viennent dans mes formations, le travail, il est fait ensemble. Et là, c'est vraiment, ça me met dans un grand bonheur. Parce que c'est le partage, parce qu'il y a une richesse chez les gens qui fait que quand elle est partagée véritablement, moi, je ne suis pas fatiguée, tu vois, à la fin de formation. Il y a des formations qui m'épuisent, mais il y en a d'autres que quand il y a ce partage-là, cette communication-là, c'est vraiment le moteur du changement. On parle aujourd'hui de changement, de métamorphose. C'est ça, ce qui nous propulse à créer une humanité reliée. Et là, c'est une joie. On entend. Oui. Message de vie. Lorsque vous êtes en bienveillance avec vous-même, vous pouvez aussi rencontrer l'autre, les autres. Alors, c'est pas facile, hein? Il s'agit d'aller faire un travail vraiment de déformatage, souvent. C'était hier, c'était, je pense, Denis Marquet qui parlait de ce travail d'aller déconstruire ce qui nous a été appris à l'école, la posture que nous avons appris aussi de nos parents, de nos grands-parents. D'ailleurs, les programmes sont toujours les mêmes, hein, ils n'ont pas bougé. Même les contenus et la forme sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles qui rendent les enfants heureux. Ce sont des écoles qui existent en France, ce sont des écoles qui existent à l'étranger. Moi, j'ai fait un petit tour du monde, mais je l'avais fait aussi avant grâce à l'UNESCO. J'ai continué à voyager beaucoup, même une fois que j'en suis sortie. Et à l'occasion de ce livre, qui est un livre dans la collection Domaine du possible d'Actes Sud, qui est un livre, on va dire, militant et engagé, parce que j'ai aussi un côté militant et engagé. Grâce à ces livres, j'ai pu découvrir des écoles qui reconnectent les enfants avec ce potentiel de noblesse, de joie de vivre. Et quand j'ai fait ma thèse de doctorat, je le disais dans la conférence de presse, j'étais très fière d'être dans le monde académique et de proposer un sujet comme la joie. La joie dans l'éducation, ce qui est assez nouveau. Il y avait une personne qui avait travaillé sur ce concept, c'était un éducateur, d'abord un enseignant, un professeur des écoles, après il est devenu professeur des universités, qui s'appelait George Snyder et qui avait fait un livre qui s'appelle « La joie à l'école ». Et pour lui, la joie, dans une démarche marxiste, c'était celle qui arrivait le moment où les élèves, ces élèves étaient maîtres, ils maîtrisaient ce qu'ils avaient appris souvent par cœur, après un effort. Donc après cet effort très mental souvent. La joie arrivait. Et donc lui, on l'observait, qu'il était possible de révéler ses potentiels par une démarche, une discipline, souvent au détriment de cette curiosité et cette façon aussi d'aller spontanément vers les centres d'intérêt. Alors, juste une chose, moi, ma grande découverte, avant de vous parler plus dans le détail de ces pédagogies, ma grande découverte quand j'ai décidé de travailler sur la joie et pas sur le bonheur, parce que pour moi, la joie est quelque chose de beaucoup plus fort. Et je suis partie d'une expérience personnelle. Je suis en joie lorsque je suis en contact avec cette étincelle de vie qui m'arrive souvent sans aucune raison. Un état de méditation, souvent, mais pas particulièrement, pas tout le temps. Et c'est quelque chose que je peux faire remonter à mon enfance. Lorsque je suis en joie, je suis un lien. Pour moi, n'est pas seulement le lien, mais pour moi, elle est vraiment la reliance. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la reliance. C'est un terme, c'est un néologisme. C'est un terme sociologique nouveau. Il est sorti dans les années 60. La reliance, elle est le fait de ce lien. Je suis en reliance lorsque je suis relié à partir de moi-même avec les autres. Il y a un phénomène social qui se produit. C'est quelque chose qui fait que, quand on est en reliance, on peut aussi avoir une puissance d'action, aller vers la joie de Spinoza. Les enfants ont ça. Faisons en sorte que dans nos écoles, cette puissance, cet enthousiasme, elle ne se perde pas. Il ne se perde pas. Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est d'aller faire un petit tour dans le monde. Là, il y a encore quoi ? 5 minutes ? C'est très court comme tour du monde. C'est savoir qu'il y a des écoles qui rendent nos enfants heureux. Moi, je suis allée en Inde. J'y vais souvent. Je suis bénévole dans une école Montessori avec les enfants de rue, à côté d'Auroville. Il y a des écoles qui rendent les enfants heureux. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent que les enfants sont des individus à part entière. C'est une approche intégrale, de yoga intégral. Je suis allée très très souvent dans l'école de l'ashram de Pondichéry, reliée à Auroville, qui est en Inde du Sud, dans l'État Tamil Nadu, où il y a des expériences d'éducation intégrale, issues du yoga intégral. Et là, c'est là qu'on considère que les enfants ont ces potentiels, qui fait que, par exemple, il n'y a pas des programmes préétablis à l'école. Il y a des écoles à Auroville, notamment à Auroville, qu'on appelle l'école du libre progrès, où les enfants choisissent leur plan d'études et leur programme. mais depuis tout petit. Il n'y a personne qui leur dit « fais ça, ça et ça ». C'est ce qu'on pourrait aussi appeler aujourd'hui, et là je n'ai pas encore eu le temps d'élaborer ce concept, une pédagogie fractale. Imaginez qu'on part de l'intérêt, le centre d'intérêt de l'enfant qui aime par exemple jouer dans la nature. Et à partir de ça, l'aider en tant qu'accompagnateur, l'éducateur c'est celui qui accompagne. Le pédagogue était dans la Rome ancienne, c'est lui qui accompagnait l'enfant à l'école. Le rôle de l'éducateur est rien d'autre que d'accompagner. Donc s'il est accompagné par un éducateur, un adulte qui est là pour veiller à qu'il puisse se développer dans ses centres d'intérêt, là, il y a quelque chose qui s'ouvre. Elle est fractale parce que, elle pourrait être fractale, une pédagogie de ce type, parce qu'à partir du détail, on ouvre un univers. À partir du fait que l'enfant aime, par exemple, la nature, les fleurs, observer ça, l'aider à développer ça. Et c'est à partir de ses intérêts qu'il pourra demander ensuite des connaissances qui l'aident à développer davantage. On peut pas, on peut plus être dans un système où l'enseignant est seul devant Claire sa classe en transmettant quelque chose qui vient d'un programme, sans travailler sur les liens entre chacun des savoirs qui sont dans le programme et la compréhension de la vie et la construction de soi. C'est pour moi une nécessité absolue d'ouvrir l'école, mais une construction qui a du sens, qui prend du sens, qui donne du sens aux apprentissages scolaires, qui donne envie à des enfants. Au fond, on parle de plus en plus d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie. Eh bien, moi, je crois que c'est dès la maternelle qu'on doit apprendre à apprendre tout au long de la vie. C'est dès la maternelle qu'on doit apprendre à se constituer des réseaux sociaux diversifiés en se disant « chacun des autres que je rencontre peut m'apprendre quelque chose et je peux lui apprendre quelque chose. Chacun des lieux, chacun des objets que je rencontre est occasion d'apprentissage. » En fait, le rôle de l'enseignant de l'école maintenant, pour moi, c'est effectivement faire découvrir à des enfants, à des jeunes, à des adultes qu'on peut apprendre. Dès lors qu'on se pose des questions, dès lors qu'on veut ouvrir les yeux, dès lors qu'on veut interroger ses propres représentations, dès lors qu'on est capable de remettre en question, y compris ce que l'on sait ou ce que l'on croit savoir, l'école est ce lieu magnifique, ce lieu protégé des urgences de la vie, hein, scolé. C'est effectivement en grec, c'est ça que ça veut dire. Un lieu, il y a un temps protégé des urgences de la vie dans lequel on prend le temps et où chacun pourrait prendre le temps qui lui est nécessaire à lui et non pas le temps défini par une institution pour réussir ses apprentissages. Et que ces apprentissages, ils viennent. Il n'y a pas besoin de créer des énigmes. Les énigmes, elles sont partout. Les questions, elles sont partout. Il suffit d'ouvrir les yeux. Moi, j'ai emmené mes élèves en classe de neige. Les enfants, quand ils sont allés interroger les agriculteurs sur leur vie, le premier agriculteur qu'ils ont interrogé leur a dit « Écoutez, moi, j'ai pas le temps de répondre à vos questions, je travaille, mais si vous voulez revenir demain à 4 heures, je veux bien vous apprendre à traire. » Moi, je savais bien qu'on ne leur demanderait pas de savoir traire pour passer en 6e, mais c'était magnifique que ces enfants de cité de banlieue, qui n'étaient jamais partis pour la plupart d'entre elles en vacances et encore moins en montagne, découvrent la vie en montagne et la vie avec des bêtes et qu'est-ce que ça veut dire être agriculteur en France à ce moment-là, parce que quelqu'un qui a ce métier-là est prêt à passer du temps avec elles ou avec eux pour leur apprendre son métier, pas pour qu'ils deviennent agriculteurs, mais qu'à travers ces 2 heures passées à apprendre à traire, moi je les ai revus 40 ans après mes élèves puisqu'on a fait un livre ensemble. C'était complètement marquant. Ils ont vraiment appris quelque chose de l'ordre de l'humanité. Soutenez nos émissions radio sur le www.richardfederman.com. Comment les adultes peuvent comprendre que leurs enfants sont leur miroir avant de pratiquer la joie, expliquer ça aux adultes, que leurs enfants sont leur miroir. Mais pas uniquement que de la joie, hein. Les enfants sont aussi spécialistes pour te mettre en rage et en colère. Hein. Donc, comment expliquer ça je crois que... Sans les punir. Sans les punir, bien sûr. C'est indispensable, un travail sur soi. Je reviens sur cette question, je suis désolée, mais C'est quoi un travail sur soi ? Un travail sur soi, c'est un travail de ben, chacun choisit sa propre méthode, mais il y en a qui vont faire de la psychothérapie, il y en a qui vont faire de la sophrologie, tout ce qu'on veut. Il y a aujourd'hui des centaines de milliers de méthodes pour aller se connaître, vraiment se connaître, connaître soi-même. Et considérer l'enfant, non seulement son propre enfant, mais aussi l'enfant à l'école. Par exemple, la relation enseignant-élève, cette question du miroir, elle est intéressante. Parce que, par exemple, et ça c'est quelque chose que j'ai appris dans l'approche Krishnamurti, des écoles Krishnamurti, il y a une... 1000 façons d'interpréter, par exemple, un geste qui est fait par un élève. Si un élève dérange la classe, et là je m'amuse à faire ça, je fais l'élève, je fais des jeux de rôle dans les formations, je fais l'élève et je dérange la classe. Et là j'ai en face de moi une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine d'enseignants. Et j'ai dit maintenant vous allez interprétez-moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Par exemple, je lance un crayon, je le lance comme ça, ça peut être, je suis l'élève qui lance le crayon et qui dérange la classe. Et là si j'ai 10 personnes en face de moi, j'ai 10 interprétations différentes. Il y en a qui disent il s'ennuie, il est démotivé, il fait ça parce que il souffre à la maison, il fait ça parce que tout simplement vous êtes antipathique, etc., etc., etc. Il y a 1000 façons d'interpréter le même geste. Et cette façon d'interpréter, elle est toujours reliée à l'histoire du prof qui interprète. Elle est toujours reliée, elle résonne toujours par rapport à l'histoire personnelle. Donc c'est vraiment une histoire de relation interpersonnelle. Et les enfants, je le répète, ils ne savent même pas pourquoi ils font certaines choses, mais ils sont spécialistes d'aller vous déranger là où ça fait mal. Et si ça fait mal, ça veut dire que la provocation résonne en vous. Donc c'est d'abord une approche, c'est un regard vers l'intérieur de soi qu'il faut que les adultes aient. On pourrait appeler ça la violence éducative ordinaire. Antonella Verdiani. Vous savez qu'il y a un observatoire de la violence éducative ordinaire. C'est un monsieur qui s'appelle Olivier Morel qui a ça et qui a observé qu'aujourd'hui, en France, entre 85 et 95% des parents et d'adultes aussi cautionnent, par exemple, le fait de donner des fessées, le fait que pour se faire obéir, il faut quelque part humilier l'enfant. Peut-être pas avec des moyens si sévères et si durs, hein, des punitions physiques, mais de la violence verbale qui reste. Elle reste, cette violence. La preuve, c'est que vous en avez encore la mémoire et le souvenir. Je donne des stages, par exemple, à l'île de la Réunion, et c'est incroyable, c'est qu'il y a encore comme mémoire de cette violence éducative ordinaire qui est encore liée, si vous voulez, à la mémoire de l'esclavage. Et les esclaves étaient punis à genoux sur le gros sel. Et les enfants, encore, il y a des enfants qui sont punis de cette façon. Bon. Je pense que dans les stages, dans la formation, dans les ateliers, dans n'importe quel parcours vers le bonheur, il faut passer par la prise de conscience de ce que nous avons vécu, nous, en tant qu'adultes, et ce que nous risquons aussi de projeter et de transmettre de façon totalement involontaire et inconsciente, même si on a des très très bons propos. Mais si cette violence-là, elle n'est pas, on va dire, observée, accueilli et petit à petit travailler, évacuer, hein, savoir qu'elle est là. Et souvent, j'ai ça comme témoignage de profs qui sont là pour aller réparer tout ce qu'ils ont vécu. Et ils se disent, moi, jamais plus ça, ni avec mes enfants, ni avec les enfants des autres. Donc le métier d'enseignant est souvent un métier qui va réparer quelque chose. Alors, regardons le beau côté de la médaille, donc la joie. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous étiez bien? C'était quoi des souvenirs de joie? Ils étaient liés à quoi? Au fait que vous avez souvent eu, là, des témoignages, quelqu'un qui vous a mis en confiance, quelqu'un qui vous a reconnu, quelqu'un qui vous a appris par le jeu, c'était la fête de Munich, où je suis sûre qu'il y a d'autres témoignages ici dans la salle de profs qui ont été capables de vous amener par la force de leur passion à apprendre, à aller faire aussi des efforts, parce que ça n'implique pas, je veux dire, ça implique qu'il y ait souvent aussi de la rigueur, elle est nécessaire. Il y a une méthode à suivre souvent pour apprendre. Donc, ces profs-là, on ne les a pas oubliés. Ils sont toujours là, d'où l'importance aussi d'être un exemple. Voyage intérieur, la série d'émissions de messages de vie. Quand on dit fait pas l'enfant, en fin de compte, les enfants sont détonateurs, sont intelligents. Parce que quand je vois des fois l'éducation des parents, je me suis dit, mais ils se comportent comme des enfants. Ils me disent, mais non, les enfants, c'est intelligent. Te comporter comme un enfant, c'est justement être intelligent. Alors pourquoi on perd cette intelligence? Ben oui, parce qu'ils sont. Il y a des endroits où tu rigoles, parce que maintenant que tu me poses la question, parce que tu connais déjà la réponse, pourquoi on la perd? Il y a des endroits qui sont des endroits qui favorisent la perte de cette intelligence. Quand tu es dans un système qui t'oblige, par exemple, à t'adapter à des rythmes ou à des apprentissages de sujets qui ne t'intéressent absolument pas, et qu'on te dit c'est pour ton bien, ou il faut faire ça pour avoir un diplôme, pour réussir dans la vie. Là, il y a beaucoup de questions à se poser. C'est quoi réussir dans la vie, hein? Moi, je suis témoin aussi de la souffrance de beaucoup d'enseignants. Je n'ai jamais encore travaillé directement avec les enfants. Il faudra qu'on ouvre des formations éduquées à la joie pour les enfants. Mais c'est vraiment une question de formatage. Alors, cette joie, elle est perdue au fur et à mesure qu'on formate les enfants. On joue plus, on s'amuse plus, on comprend, on perd le sens de l'existence, de la vie. Et surtout, dans les villes, on n'est plus en contact avec les animaux, la nature. Moi, je travaille dans cette reliance. À ce niveau-là, je travaille à la constitution d'un mouvement, une alliance entre toutes les écoles et les individus qui sont déjà en train de changer. Ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les acteurs du changement. Moi, j'aime moyennement ça, j'aime plutôt les auteurs du changement. On est là et on s'autorise à changer. Il y a de plus en plus de personnes qui, une fois que la porte de la classe elle est fermée, changent le monde. Ils n'ont pas besoin de le faire savoir au directeur, au proviseur, au recteur, etc., etc., etc. Non, ils sont là, ils travaillent déjà dans ce sens-là, ce qu'on a vu là, aller révéler la beauté de chacun. J'ai fondé ce mouvement. Nous avons l'intention de changer le monde de l'éducation. Rien que ça. Donner l'information de ce mouvement qui s'appelle le Printemps de l'éducation. Que j'ai fondé et qui aujourd'hui compte des milliers de personnes, d'individus. Nous, on s'adresse à des individus, à des associations, à des institutions qui déjà sont en train d'apporter ces changements au niveau éducatif, partout en France. Donc on part du principe que déjà tout est là et il nous suffit, comme disent les colibris, de nous relier, hein, de nous rencontrer pour échanger des pratiques pédagogiques, pour aussi nous donner du courage et dire voilà, mais super, ça existe, tu existes. Et en plus, tu es à côté de moi, tu es à côté de ma région, je peux faire des formations, je peux venir échanger aussi des connaissances, connaître quelque chose qui se fait différemment sur le même sujet. Donc, et l'idée, c'est vraiment notre projet est un projet politique dans le sens noble du terme. Politique dans le sens que on s'adresse aux citoyens qui est participant à la polis, à la ville, à la cité. C'est un projet citoyen parce que nous croyons que le changement doit venir du bas et du haut, mais mais surtout du bas, et que ces acteurs du changement, ils sont déjà en train de travailler. Même des maîtresses des écoles qui me disent, une fois que la porte de la classe elle est fermée, mais moi je fais ce que je veux, dans le sens positif bien sûr, hein. Je fais ce que je veux, il faut faire attention que ça ne soit pas négatif, mais je peux quand même utiliser des pédagogies qui ne sont pas forcément celles qui sont approuvées ou enseignées à l'intérieur de l'éducation nationale. Il y a des choses qui se passent. L'important aujourd'hui, c'est que ça soit connu, partagé. Et nous croyons, avec le programme d'éducation, qu'il y ait cette possibilité aussi de devenir une masse critique pour que les politiques éducatives changent, pour qu'il y ait de plus en plus d'écoles alternatives aussi dans l'éducation nationale. C'est une belle histoire qui commence. Oui. Une histoire joyeuse. Merci. Je vous invite à vous munir de la lettre ouverte coordonnée par Armen Tarpignan avec le collectif École Changer de Cap. Donnez toute sa chance à l'école. 13 transformations nécessaires et possibles aux éditions Chroniques Sociales avec la participation, entre autres, de Edgar Morin. Antonella Verdiani a écrit plusieurs livres, dont un aux éditions Actes Sud, collection Domaine du Possible, Pédagogie et méthode pour éduquer à la joie. Elle est à l'initiative du Printemps de l'éducation et consultante et formatrice, entre autres, à l'UNESCO. Deux sites, educationalajoie.com, le second, printemps-education.org. Je remercie Claire Hébert-Suffrin pour son témoignage. Claire a écrit de nombreux ouvrages sur les réseaux d'échanges réciproques de savoir. Tout connaître sur claire-hébert-suffrin.org. Je remercie également Marie-Paul Roux pour L'Art d'être heureux en Avignon. Merci pour votre écoute. Bye.